enregistrées sur Terre selon les données de l'agence européenne Copernicus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente journée. Enfin chérie, tu vois bien qu'on est perdu. Ah mais c'est toi aussi, tu sais pas lire une carte. En plus, faut qu'on trouve où mettre de l'essence maintenant. Détendez-vous. Pour vos vacances, faites appel à Franconi Voyage. C'est leur métier et c'est tout organisé. Les majestueux châteaux de la Loire et le zoo de Beauval. La fête des fleurs dans le Tyrol ou son festival. Le Périgord ou encore le séjour sur la Costa Brava. Sans oublier les week-ends à Milan et Turin, le week-end au Lac Majeur et les îles Borromée, ainsi que les marchés de Noël en Alsace ou en Provence. Contactez les Voyages Franconi au 04 79 54 81 23 54 81 23 ou sur leur site www.franconi.com. Montagne FM, l'info savoyarde. Bonjour. Disparition inquiétante. La gendarmerie de Bourg-l'Oisans a lancé un appel à témoins pour retrouver un homme âgé de 30 ans qui a quitté son domicile de Challes-les-Eaux le 3 août dernier et dont la voiture, une Mercedes Sprinter blanche, a été retrouvée correctement stationnée à Liveg à Vernissères. Ce sont les parents du jeune homme qui, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, qui ont alerté les gendarmes. Le disparu souffre de troubles psychologiques et les recherches effectuées dans le secteur où la voiture était garée avec le concours d'un chien Saint-Hubert se sont révélées vaines. Par ailleurs, son téléphone étant éteint, il n'a pas été possible de procéder à une géolocalisation. Jean Wilmart mesure 1m78. Il est de corpulence mince, avec des cheveux châtains très courts, et il portait un t-shirt violet avec un jogging noir. Toute personne ayant des renseignements à son sujet est priée d'appeler la gendarmerie de Bourg-l'Oisans. Blessé à l'arme blanche. Hier au petit matin, vers 5h45, une bagarre a éclaté entre deux hommes dans le secteur du Carré Curial à Chambéry. L'un d'eux était le portier d'un établissement de nuit du quartier qui n'était pas en service. Lors de cette rixe, un troisième individu s'en est mêlé et il a porté quatre coups de couteau au videur, lequel a été légèrement blessé au dos et à l'épaule. Cet homme âgé de 41 ans a été transporté à l'hôpital de Chambéry par les sapeurs-pompiers, alors que les autres protagonistes prenaient la fuite. La police nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de la bagarre et en identifier les participants. L'audition de la victime et l'exploitation des bandes des caméras de vidéosurveillance devraient permettre de faire avancer l'enquête. Sans permis et sous stupéfiants. Hier, c'est un homme âgé de 41 ans, Michael Wally, qui a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Chambéry après avoir été arrêté le 28 juin dernier à la mi-journée par les policiers chambériens alors qu'il conduisait sans permis et sous l'emprise du cannabis. L'homme avait déjà été condamné pour ces mêmes faits lors d'une procédure de plaidé coupable en janvier dernier à une peine de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve. Lors de l'audience, il a reconnu qu'il consommait de la drogue depuis 18 ans. Et qu'il était sous traitement de substitution à l'héroïne. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait déjà passé par deux fois l'examen du permis de conduire alors qu'il était sous stupéfiant, ce qui ne l'avait pas empêché de l'obtenir. Le tribunal, en suivant les réquisitions du ministère public, l'a condamné à 16 mois de prison ferme avec maintien en détention, à l'annulation de son permis qu'il ne pourra pas repasser avant un an et à la confiscation de sa voiture. Arrêt cardiaque fatal. Hier, le PGHM est intervenu vers 14h15 à Valmorel pour un homme âgé d'une soixantaine d'années qui avait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention rapide des secours, le malheureux a succombé. Plusieurs interventions effectuées par ces mêmes secouristes avaient été réalisées au cours de cette journée. À 10h45, aux Arcs, pour un garçon qui s'était blessé au coude sur le bike park de la station. Il a été transporté à l'hôpital d'Albertville. À midi, ils sont intervenus au refuge de Presset pour une randonneuse âgée de 38 ans, qui, blessée à la cheville, a été transportée vers l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Et enfin, ils ont pris en charge sur la commune de Montvalaisans une randonneuse âgée de 24 ans qui s'était, elle aussi, blessée à une cheville et qui a été, elle aussi, transportée à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Le plus beau lac de France. Une application spécialisée dans le tourisme a organisé sur les réseaux sociaux différents concours, dont celui de la plus belle fontaine, qui avait vu, en mai dernier, la victoire de la fontaine des éléphants à Chambéry. En ce qui concerne leur concours du plus beau lac de France, le lac du Bourget est en demi-finale, tout comme celui d'Aiguebelette, et ce, après l'élimination des lacs d'Annecy et du lac Léman. Ainsi, les deux lacs savoyards pourraient se retrouver tous deux en finale. Montagne FM. Et bienvenue sur Montagne FM, votre radio de Savoie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 8 août et c'est la journée mondiale du chat. Ouais, le chat, oh. Alors sachez quand même que 28% des foyers français sont équipés, hein, et on se demande pourquoi, ça sert pas à grand chose. Sachez que quand même le chat dort 70% de son temps quand même, hein, c'est... Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Arm City dans un instant avec Carly Rae Jepsen et on commence ces rois du rire avec Coluche. Salut, c'est Richard, on est ensemble jusqu'à 14h. Montagne FM. Montagne FM. Le rire est au menu. Je me marre. Tout le monde se plaint maintenant. Alors vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce, un taudis dégoûtant et une photo horrible. Je dis non. Ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre. On n'est pas allé les chercher. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Je me marre! Sans compter que sur 20 Portugais, il y en a quand même un qui pourrait faire le ménage, non? Oh non, mais le personnel, c'est une calamité! Alors on vous dit, ah, oh, mais ce sont des braves gens, ils sont venus chercher du travail en France, c'est pas vrai? Feignant! Ils sont venus chercher du chômage en France! Tellement que ces pauvres, dans leur pays, il n'y a même pas de chômage! Je me marre! Parce que pour qu'il y ait du chômage quelque part, il faut déjà qu'il y ait du travail! En France, il y a les deux! Seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de travailler. Oui, on n'est pas assez payé, on travaille trop, on nous fout à la porte qu'on est du syndicat, tout ça. Seulement quand il y a du chômage, les chômeurs se plaignent de chômer. Voilà. Et on peut même pas concilier les deux en remplaçant les uns par les autres, hein. C'est les mêmes. Je me marre. Feignant. Je me marre. Alors on vous dit il y a la misère. Bien sûr il y a la misère. Mais la misère c'est beau. Surtout quand c'est bien fait. Pour eux. Les rois du rire sur Montagne FM. Get down tonight.

Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de deux personnes qui discutent. Et puis il y en a une qui voit passer un enfant, elle dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche ce gosse !» Puis l'autre y répond « Mais enfin, c'est mon enfant !» Elle dit « Oh désolé, je savais pas que vous étiez le père !» « Je suis pas le père, je suis la mère !» Envie de décompresser ? De midi à 14h, les rois du rire. Tous les jours, le rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. Les rois du rire ! My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. High highs, low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows. Distant, but too close. On the other side of the ocean, we're too deep to be shallow. And I can't lie. When love sucks, it sucks. You're the best in the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. It's not so bad. I love the way you use them lips. I hate it when you talk bitch. Back and forth, we taking leaks. Good things don't come easy, babe. Lies on top of lies, on top of lies. Lie that body right on top of mine. Love to hate to love you every time. And I can't lie. When love sucks, it sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why. Got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be grey. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. It's not so bad. Jason Derulo sur Montagne FM. Montagne FM. On vous avait parlé de ça, hein, le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg dans une cage MMA aura bien lieu. Ouais, ouais, ce sera le 26 août prochain. Un petit combat à base de bourre-pif, hein, entre le patron de Facebook et le patron de Twitter, qui est devenu X maintenant. Ouais, ouais. Les paris sur le vainqueur vont bon train et c'est Mark Zuckerberg qui est actuellement est donné vainqueur parce que bah il fait du jujitsu. On attend ce combat avec impatience, évidemment. Benson Boone dans un instant avec Philippine Lavray pour In the Stars et retour du rire avec une blague express signée Yves Pujol sur Montagne. Montagne FM, blague express. Blague express. C'est un mec qui marche sur une route avec plein de gens qui le suivent comme ça. Alors il fait des gestes, il crie, il dit « Je marche, je marche !» Là, il y a un prêtre qui vient à sa rencontre qui lui dit « Mon fils, pourquoi criez-vous « Je marche, je marche » ?» Il dit « Parce que c'est la vérité, mon père, je marche, je marche !» Oh, il dit « Vous vous dites ça parce que vous étiez paralysé ?» Et le gars lui dit « Non, parce qu'on vient de me voler ma voiture. » La Savoie à sa radio, Montagne FM. Traverse les épreuves que le ciel nous choisit. décompresser de midi à 14h. Les voix du rire. Tous les jours, rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. Les rois du rire sur Montagne FM. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. J'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs change en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in peace. I'm still holding. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Montagne FM. Les offres d'emploi. La 3CMA à Saint-Jean-de-Maurienne recherche un manager de commerce, un animateur jeunesse, ainsi qu'un éducateur de jeunes enfants qui assurera également la fonction d'auxiliaire de puériculture. Le conseil départemental de la Savoie recrute des agents polyvalents et des chefs de cuisine qui interviendraient dans le collège Jauvet à M et dans le collège Saint-Exupéry de Bourg-Saint-Maurice. Sont également attendus des agents d'entretien et d'exploitation des routes pour les centres routiers de Beaufort et de Beauzelle. Un adjoint administratif viendrait mettre ses compétences au service du centre hospitalier d'Albertville. Un employé polyvalent aurait la gestion des commandes et de la mise en rayon du magasin Biocop de Bourg-Saint-Maurice. Le candidat sera amené à occuper plusieurs tâches de service telles que l'encaissement, le service arrière ou encore le nettoyage du magasin. Chez Feu Vert à Albertville, on embauche un vendeur conseil en accessoires automobiles ainsi qu'un mécanicien. La boutique Le Pain de Beldon située à la Croix de la Rochette aurait besoin d'un opérateur de conditionnement ainsi que d'un opérateur de production-fabrication. On prend la direction de Chambéry où un vendeur ou une vendeuse viendrait conseiller et accompagner les clients de la boutique de prêt-à-porter de Vred. On reste à Chambéry où une infirmière coordinatrice viendrait assurer le fonctionnement optimal du service des soins de la maison de retraite Saint-Benoît. Et on termine avec ce poste d'employé de station-service qui est à pourvoir à Châteauneuf. La station est située sur l'autoroute A43 sur l'aire de l'Arclusa dans le sens Albertville-Chambéry. Vous travaillerez uniquement de nuit sur 5 jours. Montagne FM. Montagne FM. Le rire est au menu. J'écoute, oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la fleuriste ? Oui. Oui, bonjour madame, de la place, chef du service de la voirie à la mairie. Oui. Dites-moi madame, on a eu des petits problèmes encore samedi avec le stationnement automobile devant votre magasin de fleurs. Quel problème ?

T'as acheté un Big 4 couleur Shine à Lucie chez Bureau Vallée ? Oui, et alors ? Ben, moi aussi j'en voulais un, il est trop beau ! Alors figure-toi que le stylo Big 4 couleur Shine, avec son effet métallisé, est à moins 50% chez Bureau Vallée. Soit 1,49€ le stylo, au lieu de 2,99€. 1,49€ le Big 4 couleur Shine ? Moi aussi je vais aller m'en prendre un, et même deux tiens ! Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre valable du 7 au 19 août. Voir conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh là, j'ai pas le moral. T'as pas la pêche ? Eh ben non, parce qu'ici chez Lidl, ils ont les pêches. En ce moment, le kilo de pêche est à 2,29€. Des pêches à 2,29€ le kilo ? Eh oui, et là, il faut que je me dépêche d'en acheter. Oui, bah dépêche-toi de rentrer, oui. Oh, je me dépêche. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, calibre 67-73, chair blanche et ou jaune, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Les rois du rire. Montagne FM. Elle m'a menti pour me protéger. Je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh ça y est, ça fait 2 mois. Je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi. Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai. Elle a l'air si gaie. Comment deviner ce qui l'animait, ce qui l'a fait quitter la fête. Rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas d'aille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide, petite en taille. Si Dieu veut, je vais pas d'aille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide, solide. Hey. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu bricoles? Tennis, je parie que tu colles. Que ton service te rend folle. Ce soir je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas de raison. Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison. Y a 2 saisons, mais c'est rien qu'une petite entaille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide, solide. Et rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas d'aille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide, petite entaille. Si Dieu veut, je vais pas d'aille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. FM. Le rire est au menu. C'est un type qui se réveille un jour dans une chambre d'hôpital. Il ne sait pas ce qu'il fout là. Il y a tout plâtré de partout. Il y a tout Ib qui rentre. Ça va mieux, monsieur ? Oui, qu'est-ce que je fais là, docteur ? Et vous vous souvenez pas de votre accident de voiture ? Non. Vous avez fait 22 tonneaux et vous êtes écrasé contre un mur de ferme la nuit. Ah bon, je me souviens vaguement. Oui, mais pourquoi ? Et vous êtes cassé, 82 fractures, j'ai tout réduit. Ah bon, mais c'est quoi ce bandage sur mon sexe ? Ah, monsieur, ça c'est un petit problème. On a retrouvé vos clés de contact dans votre sexe. J'étais... Non.

Ne pas avoir de toit dans un pays froid, c'est comme ne pas avoir d'eau dans un pays chaud. Je vous laisse refroidir là-dessus. C'est ce qui frappe le plus un Africain dès qu'il arrive en France ? La police. Ah, c'est vrai, bah, attendez. Vous souvenez pas de l'église Saint-Bernard ? Un lieu de refuge ? Saint-Bernard, un chien de refuge. Ça tend à un accueil plutôt sympathique. Les Africains arrivent, faut les comprendre, la faim justifie les Maliens. Alors que ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans la rue. À tout le monde. Tu rencontres une mauvaise femme, par exemple, ça existe. On appelle ça un cyclone, parce qu'elle arrive chaude et humide, elle repart avec la toiture et les meubles. Ah, y a des femmes qui rigolent moins, là, hein. Mesdames, vous voulez une vanne contre les hommes pour équilibrer ? Oui ! C'est la différence qu'il y a entre un homme et une poubelle ? Aucune, ils puent toute la semaine, tu les sors bourrés le samedi. Eh oui, c'est comme ça. Vous en voulez une autre ? Il y a votre mec qui vous énerve, vous lui dites ça. Moi j'aime bien parce que je vais faire la nana. J'aime bien faire la nana parce que comme ça je peux me toucher les nichons. Vous lui dites, chérie, tu sais pourquoi les nanas sont un peu énervées quand elles ont leur agnagna ? Alors lui il fait, non. Et toi tu réponds, parce que ! En général ça calme. Enfin si un jour par malheur vous vous retrouvez dans la rue, ça peut arriver, hein. Faut savoir s'en sortir. Je vais vous donner quelques conseils pratiques. D'abord faut savoir demander. Les enfants, on leur dit « Ouais, ne demande pas. » Après, on s'étonne qu'ils volent. Non, faut savoir demander gentiment avec invention. Par exemple, si vous avez juste un carton, habilement découpé, avec ce carton, plutôt que de demander devant les hôtels ou devant les églises, t'as le droit de demander directement sur l'hôtel, dans l'église. T'as l'air sympa, t'as les bras ouverts, tu rappelles vaguement quelqu'un. En plus, t'es protégé derrière contre les attaques du curé. Non, c'est dur de vivre dans un carton. Moi, je connaissais un type qui vivait dans un carton. La police l'a pris pour un colis suspect. Ils l'ont fait exploser. Bon, je vais arrêter. Envie de décompresser ? De midi à 14h, les rois du rire. Tous les jours, le rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. knows. Ce que j'essaie, c'est d'avoir à mes côtés. White and gold. Montagne FM, Blague Express. Blague Express. C'est Florence Foresti qui nous propose ce soir la venue sur le plateau de Ségolène Royal. On sait que... Madame Hollande, on sait que votre compagnie... Madame Royal. Ou pardon. Hollande. Ah oui, pardon. Madame Royal. Je ne connais pas Royal. Cette personne. C'est un lapsus révélateur. On sait que votre compagnon François Hollande se retrouve souvent dans l'ombre en ce moment à cause de vous. Et par exemple, on a vu cette photo dans Paris Match titrée « Ségolène à la barre ». Comment votre mari vit ça? Oui, alors, vous savez, un couple, c'est une équipe. Il arrive que ce soit moi qui mène, en effet, comme sur cette photo, mais parfois c'est François. Enfin, je veux dire, là, Ségolène à la barre, mais quelquefois, François à la barre. Et on... Il suffit de voilà, choisir le moment. Rarement, ceci dit. Mais je vais vous dire, dans mon couple, je vous dirais même que c'est François qui porte la culotte. Et c'est moi qui l'enfile, bien sûr, sinon ça ne marche pas. La culotte, pas François. Oui. Merci, madame Ségolène Royal. Vous pouvez applaudir Florence Foresti. Envie de décompresser? De midi à 14h, les rois du rire. Tous les jours, le rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière. J'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère. C'est pas comme la défonce, elle, je suis m'en défaire. Hier encore, je voulais changer de notre petite info totalement inutile, vous permettons de briller en société. On va revenir à l'année 1903. Que se passe-t-il en 1903? Eh bien, les États-Unis obtiennent de Cuba la location perpétuelle de la baie de Guantanamo.

69 centimes le concombre ? Alors là, c'est le pompombre. Et origine France, le concombre ? Ah, il s'encombre vraiment pas. Oh, vous êtes drôle, patron. On est mal. Lidl, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, calibre 300-500, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Envie de décompresser ? De midi à 14h. Les rois du rire. Tous les jours, rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Sur les mains, on n'est pas si différents. Quand elle prend ses médicaments, personne sait qu'elle est malade. On n'en parle pas, on se balade. Moi si on m'a proposé de me reposer à l'hôpital. FM. Le rire est au menu. Depuis que j'ai le petit, j'essaie d'aider à la maison maintenant. J'essaie de faire ma part. Donc, quand je vois qu'il faut faire le ménage, eh bien, je lui dis, mon amour, il faut faire le ménage. Non, je déconne. Quand elle me demande de passer l'aspirateur, j'hésite pas une seconde. Hein. Je lui passe. Et puis, je fais les courses, mesdames. Je fais les courses, je vais au supermarché faire les courses seul. Est-ce que vos hommes font les courses tout seuls? Ah oui, donc vous avez déjà entendu ça. Allô? Allô chérie, je suis devant les œufs là, hein? Tu vas rire, hein, mais il y a plusieurs sortes d'œufs. Ça doit être nouveau. Et donc, je prends quoi? Ah ben oui, les œufs de poule, hein, je suis con. Non, raccroche pas. Allô, raccroche pas. Tu voulais que je te ramène des œufs, de la viande et des légumes? Des chips, c'est des légumes ça ou pas? Oui, ok. Et je suis devant le rayon lait, hein, comme tu m'avais demandé. Donc il y a le lait bio, le lait écrémé, mais je vois pas ton lait démaquillant. Et sinon, pour les paquets de couches, il y a des chiffres dessus, 40 et 60. Ça correspond à quoi, ça, au nombre de crottes? Allô? Allô? Allô, mon amour? Allô? Allô? Oui, mesdames, parce que les mecs au supermarché, tout seuls, ça devient très, très con. Dès qu'on franchit le seuil du supermarché, on devient des zombies. Ah oui, tellement lobotomisé, je me souviens, la première fois que je suis allé au supermarché, je savais pas qu'il fallait mettre une pièce pour que les caddies se détachent. J'ai fait les courses avec 25 caddies. Aidez-nous, mesdames, quand on vous appelle, aidez-nous, c'est un appel à l'aide. Les mecs, on marche aux sensations. Allô, chérie, la salade frisée, c'est bien celle qui gratte le palais, hein? Oui. Et le PQ, je pense, celui qui sent comme le parfum de ta mère. Oui. Ok. Heureusement, il y a quand même une solidarité au supermarché entre mecs, hein. Quand tu vois deux mecs seuls avec leur caddie qui se croisent. Cousin, on est tous cousins au supermarché. Tu me dis où ils ont planqué les saucissons, moi je veux dire où ils ont planqué le canard WC. Et si tu cherches le thon, il y en a un gros derrière la caisse numéro 4. Et là, t'arrives à la caisse, tu passes tout. Elle pose la question magique. Vous avez la carte de fidélité? Pourquoi? Il faut que je revienne? Non, c'est 26,90, monsieur. Ah, je peux payer par chèque? Non, on n'accepte pas les chèques. Ah, je peux payer par carte bleue? Non, ça c'est la caisse d'à côté. Et puis ici c'est l'espèce et puis c'est la monnaie juste, hein. Donc, oui, mais moi j'ai qu'un billet de 50. Allô, sécurité, il y a un noir de banlieue qui veut pas payer. Mais il y a quand même un endroit au supermarché où les mecs sont totalement détendus. C'est où? Le rayon bière. Yes! Là, il y a que des mecs zen. Téléphone, clac, rangé. Ça trouve tous les yeux fermés. Attends. Ah, oh, Corona. Alors, c'est quoi ça? C'est tout. Oh, Heineken. Alors qu'une femme, elle va dans le rayon bière. Tu crois qu'elle t'appellerait? Non! Elle achète une bière de merde parce que la bouteille est jolie. Envie de décompresser? De midi à 14h. Les rois du rire. Tous les jours, le rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. Dis-moi tout maman, c'est toi. J'ai besoin de te voir, c'est vite. Je sais que t'as le cœur vide. Fais-moi quand même une petite place. Dis-moi tout maman, c'est toi. Dis-moi ce que tes yeux me disent pas. Calme-toi, t'es va pas vite. Garde-en un peu pour plus. Je vais tourner la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je vais tourner la ville avec Bambina. Je ressens des choses mais je te le dis pas. On a toute la noche, dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle, moi je finirai dans tes bras. Je lâcherai pas les yeux, un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores, quand tu danses la bachata. Dis-moi tout, mamacita. Ton petit sourire je le connais. Quand t'es jalouse t'es trop belle. T'es là tu m'analyses. T'as eu tout ce que tu voulais. Je vais tourner la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je vais tourner la ville avec Bambina. Je ressens des choses mais je te le dis pas. On a toute la noche. Dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle. Moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Je t'emmène faire un tour. Tu veux aller où? Faire des trucs de fou. Toi et moi, c'est nous. Je t'emmène faire un tour. Tu veux aller où? Faire des trucs de fou. Toi et moi c'est nous. On a toute la noche. Dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle. Moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Ça, dis-moi tout sur Montagne. Montagne FM. Allez, Et c'est l'heure des anniversaires de stars depuis Paul de Vedette avec Shawn Mendes, le chanteur canadien qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Il a illuminé pendant de nombreuses années le tennis international. Aujourd'hui à la retraite, le joueur suisse Roger Federer fête ses 42 ans aujourd'hui. Le chanteur français Francis Lalanne fête ses 65 ans. Bernard Ménez, vous vous souvenez ? Oh oh oh, jolie poupée. Il fête ses 79 ans et l'immense star hollywoodienne, l'acteur américain Dustin Hoffman fête ses 86 ans. Le plateau de télé Montagne FM, c'est tout de suite dans un instant. Grand corps malade, nos plus belles années et retour du rire avec un titre, un sketch immortel de Mister Coluche. Le plateau TV, c'est tout de suite sur Montagne FM. Sur votre plateau télé ce soir, un voyage chez nos ancêtres, une escapade dans le Nord et un séjour en colo. Laissez-vous guider sur France 2, magazine sur le thème « La France gallo-romaine ». Stéphane Bern et Laurent Deutsch embarquent petits et grands dans un voyage extraordinaire plus de 2000 ans en arrière, au temps des Gaulois et des Romains, avec notamment un passage à Nîmes. On dit toujours « nos ancêtres, les Gaulois ». Non, on devrait dire « nos ancêtres, les gallo-romains ». Rien que la ville de Nîmes qui s'étend devant nous en est la plus belle des illustrations. C'est sûr qu'avec les Romains, c'est du solide. Hein. Avec eux, de toute façon, c'est toujours plus. Méga plus, giga plus, maximus. J'en perds mon latin. Zone interdite sur M6, magazine présenté par Ophélie Meunier, sur le thème gastronomie, chaleur humaine et tradition. Pourquoi le Nord est-il si populaire? De la baie de Somme aux immenses plages de Dunkerque, en passant par les pavés lillois, le Nord séduit chaque année de plus en plus de touristes, même en plein été. Sale gosse sur TFX, comédie. Alex se retrouve moniteur d'une colo très particulière. Au lieu d'enfants, il doit s'occuper de retraités. Ses charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs à la clé des vacances mouvementées. Ça fait deux fois que vous me prenez pour un con et ça commence à me saouler. Mais ces vacances pour nous, c'est une cure de jouvence, mon chéri. À partir de maintenant, il n'y a plus de mensonges ni de coups en douce. J'irai cracher. Vous pouvez pas faire gaffe, merde! Vous êtes vraiment des sales gosses. Laissez-vous guider sur France 2, Zone Interdite sur M6 et Sales Gosses sur TFX. Très belle soirée télé à tous. Envie de décompresser? De midi à 14h, les Rois du Rire. Tous les jours, le rendez-vous avec l'humour sur Montagne FM. Les Rois du Rire sur Montagne FM. J'ai la mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures à vanner, insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin. Je veux retrouver l'attrait